armée d'amoiseaux, ça tire des vers dans les journaux. Je veux pas de bande de pirates ni de bandits des mots. Citations sans proscrite, les clichés sont en fuite. On ira cramer tous les bits à base de rudiments qui passe vite, passe vite, passe le séquenceur vite. C'est qui compte MC Gazouille qui débite. Je suis un noir, Zoc qui gazouille trop. Tire pas dans mes pattes et tire pas dans mes hauts. Mais je suis un noir, Zoc qui gazouille trop. Je m'amène à tire d'elle entre ciel et eau. Je suis un noir, Zoc qui gazouille trop. Tire pas dans mes pattes et tire pas dans mes hauts. Mais je suis un oiseau, je suis un putain d'oiseau. Un putain d'oiseau, un mec qui gazouille trop. Et ça piaille la flicaille, les commissariats des rails. J'tise ma maille dans le sky. Sans attendre qu'on passe le mic, ce sont en rap comme les sirènes de police. Et chante leurs idéaux sans jamais donner suite. J'm'en fiche des avis majoritaires, j'irai voler plus haut. Préfère rester solitaire que d'atterrir dans un métro. Un boulot, un dodo et au revoir Django. J'suis prêt dessus, elle dessous avec la poésie frérot. Car j'suis un noir, soit qui gazouille trop. Tire pas dans mes pattes et tire pas dans mes hauts. Mais j'suis un noir, soit qui gazouille trop. Je m'amène à tire d'elle entre ciel et eau. Je suis un noir, soit qui gazouille trop. Et tire pas dans mes pattes et tire pas dans mes hauts. Mais j'suis un noir, soit qui gazouille trop. Je m'amène à tire d'elle entre ciel et eau. Crame, gratte au crimpe, crame, gratte les graines. Grogne tes griefs, gris sur la scène. La vie te semble familière et saine. Que la pluie est moins stone et voici dans nos bennes. Alors crame, gratte au crimpe, crame, gratte les graines. Grogne tes griefs, gris sur la scène. La vie te semble familière et saine. Que la pluie est moins stone et voici dans nos bennes. En bleu Bordeaux, pour distiller la sueur quand il fait pas beau. Je te souris mais je garde une place au chaud. Bienvenue dans l'île du rappeur qui se prend pour un gadget gadgetisé dans l'électro. Le MacBook chauffe sous la pompe du manouche et grappé l'eau. Mais je suis un oiseau, je suis un putain d'oiseau. Un putain d'oiseau, mais qui gazouille trop. Je suis un noir, Zoc qui gazouille trop. Et tire pas dans mes pattes et tire pas dans mes hauts. Mais je suis un noir, Zoc qui gazouille trop. Je m'amène à tire d'elle entre ciel et eau. Je suis un noir, Zoc qui gazouille trop. Tire pas dans mes pattes et tire pas dans mes hauts. Mais je suis un oiseau, un putain d'oiseau. Un putain d'oiseau, mais qui gazouille trop.